11 à Paris, 12 à Cherbourg, 13 à Toulouse, 14 à Bordeaux, 16 à Marseille, 17 à Ajaccio. Demain, brume et brouillard matinaux seront encore fréquents dans les plaines du sud-ouest, les vallées de l'Auvergne, le centre, la Bourgogne, tandis qu'il pleuvra dans les régions voisines de la Manche. Ces pluies atteindront le Val-de-Loire, le bassin parisien, le nord avant la mi-journée, puis s'étendront vers le sud-ouest, le massif central, les régions de l'est. Quelques gouttes par ailleurs en Languedoc. C'est sur les Alpes et les Pyrénées orientales que le temps sera le plus ensoleillé. Les températures matinales seront encore relativement clémentes. Rare et faible gelée dans les vallées du Massif central et des Alpes. Les températures de l'après-midi seront en baisse sur la plupart des régions. Bonjour, c'est Isabelle Adjani. Aujourd'hui, samedi 27 novembre, c'est le 100e jour de captivité en Irak pour nos compatriotes Christian Chenu et Georges Malbruno. Ils sont pris en otage. Je ne les oublie pas. Vous non plus ne les oubliez pas. France Inter, 13h21, Patrick Pénaud a rendez-vous avec X pour l'année 1970 et son Septembre noir. Dans la longue et tumultueuse existence de Yasser Arafat, c'est un épisode essentiel et dramatique. Septembre noir, ce mois de 1970 où l'armée jordanienne a massacré des milliers de Palestiniens et où Arafat lui-même a failli périr. Il s'en est suivi la création d'une organisation secrète, Septembre noir, organisation qui a frappé des Jordaniens et qui a aussi perpétré la malheureuse prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich où plusieurs athlètes israéliens ont trouvé la mort. Monsieur X m'a donc proposé cette semaine de revenir sur les événements de Septembre noir qui seront un peu plus tard indirectement à l'origine de la guerre du Liban. Pourquoi le roi Hussein de Jordanie a-t-il lancé son armée contre les fédayines palestiniens? Craignait-il d'être renversé? Arafat a-t-il été manipulé par ses rivaux? Quelle a été l'attitude des grandes puissances dans un conflit qui a menacé de devenir mondial? Et quel a été le rôle des autorités israéliennes et de leurs services secrets? Ce sont quelques-unes des questions qu'elles se proposent de répondre, Monsieur X. France Inter, rendez-vous avec X. Entre Jordaniens et Palestiniens, les relations ont toujours été houleuses. Avant même l'invasion de Gaza et de la Cisjordanie par l'armée israélienne. Et ça au cours de la guerre des six jours en 1967. Mais pour quelle raison exactement c'est... Pour Amman, la Cisjordanie, c'est-à-dire les territoires de la rive droite du Jourdain, étaient partie intégrante du royaume puisqu'ils avaient été annexés après la première guerre israélo-arabe de 1948. Ce que les Palestiniens contestaient d'ailleurs. D'autre part, avant 1967, les fédayines de l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, menaient des incursions armées en Israël à partir de la Cisjordanie. Oui, ce qui provoquait en contre-coup des représailles israéliennes en Jordanie. Naturellement. Enfin, il y avait le fait qu'après la proclamation de l'État hébreu et la fuite provoquée ou pas de centaines de milliers de Palestiniens, beaucoup d'entre eux avaient trouvé refuge dans des camps situés sur la rive gauche du Jourdain. En Transjordanie, donc. Et ils seront rejoints aussi, après la guerre des six jours, j'imagine, par d'autres Arabes fuyant la Cisjordanie. Oui. Le résultat, c'est que la population d'origine palestinienne finira par devenir plus importante que la population strictement jordanienne, c'est-à-dire d'origine bédouine. Ouais. Et ça provoque des frictions. Bien entendu, parce que les Palestiniens vont se conduire comme s'ils étaient chez eux et leurs organisations de résistance vont peu à peu en prendre à leur aise. Et dans les mois qui suivent la guerre, la Jordanie est en effet une base arrière pour les fédayines qui combattent les forces d'occupation israéliennes. À cette époque, je crois, Arafat lui-même se trouve en Cisjordanie. C'est exact, oui. Mais Tsahal vient assez rapidement à bout de ses foyers de résistance. Des milliers de Palestiniens sont arrêtés. Et Yasser Arafat se sauve de justesse. Toutefois, ça n'empêchera pas les sabotages et les attentats de se perpétuer dans les territoires occupés et en Israël. Et alors, la tension là, avec les Jordaniens? On note une accalmie au printemps 1968, parce que, ensemble, les fédayines et l'armée jordanienne repoussent victorieusement des forces israéliennes qui attaquent le village de Karamé, sur la rive gauche du Jourdain. Mais dès le mois de novembre, le mois suivant, de violents incidents opposent des combattants palestiniens aux militaires jordaniens. Et ça va aller en s'aggravant. Alors, pour quelle raison? Il y en a plusieurs. Enfin, la principale, c'est que le roi Hussein, le petit roi, comme on l'appelait alors, a l'impression que le pouvoir lui échappe. Au profit des Palestiniens? Oui. Des hommes en armes circulent, par exemple, librement en Jordanie, sans se soucier des lois du pays. Oui, en effet. Mais y a-t-il des menaces réelles sur le trône? Certainement. Et il est sûr qu'il existe chez quelques organisations palestiniennes la tentation de prendre le pouvoir et de chasser Hussein. Des organisations radicales comme le FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, de Georges Habash, qui multiplient aussi les provocations pour obliger le président de l'OLP à agir. Parce que Arafat, lui, n'est pas prêt à se lancer dans l'aventure. Non, parce qu'il sait que la prise de pouvoir des Palestiniens à Amman risquerait peut-être de susciter de violentes réactions de l'autre côté du Jourdain. Et en Israël? Et il sait aussi qu'il aurait à affronter directement l'armée jordanienne. Or, justement, cette armée de Bédouins, formée autrefois par les Britanniques, commence à gronder. Oui, il s'agit de la fameuse Légion arabe de Boul Pacha, c'est ça. Ouais. Ces chefs, dont l'un n'est autre que l'oncle de Hussein, exigent du roi qu'il prenne des mesures contre ces Palestiniens qui se croient tout permis. Ouais. Ce que va faire Hussein? En effet. Et en février 1970, il se décide. Les fédayines n'ont plus le droit de circuler armés. Ils doivent aussi obtenir les autorisations pour organiser des manifestations ou publier des journaux. Alors, réaction des Palestiniens? Elle est forcément très hostile. Et Hussein, redoutant des affrontements armés qui pourraient à terme aboutir à sa déposition, recule et suspend ses mesures. Ça, c'est une victoire pour les fédayines. Et pour les plus radicaux d'entre eux, oui. C'est désormais leur ligne qui l'emporte sur celle des modérés, tels Arafat. Même si ce dernier, en principe, demeure le patron. Heureusement pour lui, ses adversaires sont divisés, s'affrontent parfois les armes à la main. Ah oui, alors c'est Arafat qui arbitre. Mais face à la surenchère des plus durs, il est dans une situation de plus en plus difficile. Car le FPLP est une organisation dissidente, le FPLP, commandement général, accumule les actions violentes. Un avion de la Suisse en route vers Tel Aviv explose en vol. Il n'y a aucun survivant. Et sur la frontière libanaise, un commando attaque un car scolaire israélien. Et plusieurs enfants périssent. Arafat condamne, j'imagine. Certes, mais ces actes terroristes desservent la cause palestinienne. Il me faut aussi dire que tous ces événements se déroulent alors que de sanglants incidents se multiplient dans tout le Proche-Orient. À Damas, par exemple, on pend des espions israéliens, ou considérés comme tels. Au sud Liban, des combats opposent l'armée libanaise aux fédayines, sur fond de représailles israéliennes. Et enfin, dans la zone de Suez, Tel Aviv et le Caire se livrent à une guerre larvée très meurtrière. Oui, mais enfin, bon, Pour revenir à la Jordanie, hein, est-ce que la tension va encore en grandissant entre Palestiniens et l'armée? Évidemment, d'autant que grâce aux Américains, Hussein a renforcé son armée. Une armée qui brûle dans des coudres. Et ça commence en juin 1970. Des éléments d'élite de l'armée jordanienne font des incursions dans les camps de réfugiés palestiniens. Et les combats sont très violents. On compte des centaines de morts. En riposte, un commando palestinien perpètre un attentat contre le roi. Mais Hussein s'en sort de justesse. Lui aussi, il a la baraka. Oui, oui, Hussein, comme Arafat d'ailleurs, a échappé plusieurs fois à la mort. En tout cas, la situation jordanienne devient suffisamment sérieuse pour que les États-Unis s'alarment et mettent en alerte une division aéroportée. Pour venir éventuellement en aide au roi Hussein a toujours été un fidèle allié des Américains. Cependant, les Irakiens arrivent à obtenir un cessez-le-feu entre les deux parties. Mais cet accord est à peine signé que le FPLP se lance dans une nouvelle opération. Les hommes de Georges Habash prennent en otage les clients de deux hôtels internationaux d'Amman. Avec quelle revendication, là? Ils réclament la démission des deux principaux chefs de l'armée jordanienne. Dont cet oncle du roi. Oui, et contre toute attente, Hussein cède. C'est très important parce que l'affaire va encore accroître les rancœurs de l'armée et son désir de se débarrasser une fois pour toutes des Palestiniens. Ah oui, ça me semble logique. Ouais, hein. Quoi qu'il en soit, le roi accorde aux fédayines une totale liberté de circulation et la possibilité de se mobiliser pour la lutte de libération nationale. Ouais, contre Israël. Naturellement. Il est quand même demandé aux Palestiniens de respecter la souveraineté jordanienne. Ça, c'est un vœu pieux. Oui, c'est certain. Le FPLP en particulier n'est nullement décidé à se plier à cette injonction. Mais c'est à ce moment que Washington prend une initiative diplomatique considérable qui va mettre le feu aux poudres. Alors, expliquez-moi, de quoi s'agit-il? Du plan Rogers, du nom du secrétaire d'État américain. Un plan qui doit mettre fin à la guerre d'usure sur le canal de Suez et parvenir au règlement du conflit israélo-palestinien. Mais sur quelle base? Celle de l'application de la fameuse résolution 242 de l'ONU qui déclare que l'acquisition de territoire par la guerre est inadmissible, mais qui proclame aussi la nécessité d'œuvrer pour la paix afin que chaque État de la région puisse vivre en paix. Alors bref, le retrait d'Israël des territoires occupés, hein, contre sa reconnaissance par les pays arabes. Oui, c'est à peu près ça. Ce plan Rogers s'est soumis à la Jordanie, l'Égypte et bien sûr Israël. Il est aussi assorti d'une proposition d'un cessez-le-feu renouvelable de 3 mois. Qui permettrait d'en finir avec les incidents meurtriers de part et d'autre du canal de Suez. Mais la réponse de ces trois pays-là? L'Égyptien Nasser accepte tout de suite. La Jordanie suit 3 jours après. Ah oui, et Israël? L'État hébreu s'engage aussi dans la voie de la négociation et dès le début août, un cessez-le-feu intervient avec l'Égypte. Et des pourparlers s'ouvrent à New York. Seulement, Rogers et les trois pays qui ont approuvé son plan ont oublié un partenaire indispensable. Ah oui, je vois, les Palestiniens. Bien entendu. Or, la résistance palestinienne se sent trahie par l'Égypte et la Jordanie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été consultée? Et que la charte fondamentale de l'OLP prévoit la liquidation de l'État hébreu et le retour des réfugiés. Immédiatement, Arafat se précipite au Caire. Mais Nasser ne veut rien entendre. Il veut la paix et tente de raisonner le leader palestinien qui, selon lui, est victime de la surenchère de ses rivaux extrémistes. Oui, Habash. Habash et les autres. Naïef Awatmé, Hamad, Djibril, etc. Et surtout, Nasser espère récupérer le Sinaï conquis par les Israéliens en 1967. Il a reçu des promesses. S'il se coupe des Palestiniens, il obtiendra satisfaction. Mais attends, des promesses de qui, là? Des Américains, seuls susceptibles de faire pression sur Israël. Alors, c'est donc une fin de non-recevoir. Oui, oui, ça va être catastrophique. Karabach et les siens ont décidé d'agir à leur façon. I can't stand it when you France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur la rencontre entre Arafat et Nasser. Voici comment la raconte Charles Anderlin dans son livre « Paix ou guerre » paru en 2004 chez Fayard. À la fin d'août 1970, le comité central de l'OLP décide d'envoyer une délégation rencontrer Gamal Abdel Nasser à Alexandrie. Les relations avec l'Égypte ne sont pas bonnes. Le Raïs a interdit aux Palestiniens l'accès de la radio Saout El Arab qui diffuse du Caire. L'OLP a critiqué son acceptation du plan Rogers. La discussion dure de longues heures. Nasser explique à ses interlocuteurs qu'il souhaite mettre les États-Unis au pied du mur. Pour la première fois depuis la guerre de 1967, Washington s'est engagé à obtenir d'Israël l'évacuation de la quasi-totalité des territoires occupés. Il se tourne ensuite vers Arafat et lui dit sur un ton ironique « Combien d'années vous faudra-t-il pour détruire l'État sioniste et édifier un nouvel État unifié et démocratique sur l'ensemble de la Palestine libérée ? Vous menez une politique irréaliste et un mini-État en Cisjordanie à Gaza vaut mieux que rien. » Des propos prophétiques, mais, d'après M. X, Arafat, soumis à la surenchère des radicaux, ne pouvait les entendre. Arafat, mais ce sera sa ligne politique tout au long de sa vie, ne veut pas engager la lutte. Enfin, la lutte armée, j'entends, contre les siens. Une erreur ? Peut-être. Il est certain que, fort de la plus grosse organisation palestinienne, le Fatah, s'il avait ordonné la liquidation du FPLP, le drame de septembre noir aurait sans doute été évité. Mais quand il est revenu du Caire, à la fin du mois d'août, il est déjà trop tard. George Habash, rejetant violemment le plan Rogers, vient de déclarer que la résistance palestinienne est prête à faire du Proche-Orient un enfer. Ah, et Arafat, lui Il est presque obligé d'en rajouter. Et il proclame pour sa part que Amman sera un nouveau Hanoï et que la Jordanie sera le cimetière des comploteurs. Ouais. Mais ça c'est des mots, mais concrètement C'est le FPLP qui passe à l'offensive. Après une nouvelle tentative d'attentat contre le roi Hussein, les fédayines de George Habash détournent coup sur coup 4 avions de ligne au début du mois de septembre. Oui, une opération de piraterie aérienne sans précédent. C'est exact. Oui. Ça commence le 6 septembre. Un Boeing 747 de Paname, qui a décollé d'Amsterdam, est pris en main et dirigé vers l'aéroport du Caire. Là, Après son évacuation, l'avion est détruit. Le même jour, toujours au départ d'Amsterdam, un Boeing 707 de la compagnie israélienne El Al est victime d'une tentative de piraterie. Mais à bord, le personnel de sécurité parvient à maîtriser les deux pirates, dont une femme, Leila Khalid. Ah oui, c'est une jeune Palestinienne qui a déjà été impliquée dans un détournement d'avion. Et qui deviendra une sorte de vedette pour les siens, oui. Toujours ce 6 septembre, deux autres appareils, l'un de la TWA, l'autre de Swissair, sont détournés. Leurs pilotes sont obligés d'atterrir dans une zone désertique de Jordanie, où le FPLP a remis en état un terrain militaire désaffecté, rebaptisé « Aéroport de la Révolution ». Puis, trois jours plus tard, un appareil britannique les rejoint. Il y a donc maintenant des centaines d'otages. Hein? 600, je crois, oui, qui sont contraints de rester dans les avions malgré une chaleur étouffante. Les terroristes réclament la libération de 7 fedayines détenues en Europe, dont celle de Leila Khalid. Ouais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette série de détournements bouleverse l'opinion mondiale. En tout cas, moi, je me rappelle les images de ces avions stationnés en plein désert. Oui, des images assez étonnantes. Mais c'est sans doute la première fois que la question des réfugiés palestiniens occupe la scène internationale avec cette acuité. Et donc, au moins, enfin, sur le plan de la propagande, c'est une réussite. Ah ça, incontestablement. Et le FPLP, il gagne en notoriété. Le FPLP qui règne en maître sur cet aéroport improbable, les passeports des passagers otages sont même gratifiés d'un visa palestinien. Assez rapidement, les femmes et les enfants sont libérés et conduits sous bonne garde dans des hôtels d'Amman. Puis la majorité des passagers sont libérés à leur tour. À l'exception des citoyens israéliens et de ceux qui possèdent la double nationalité, considérés comme des prisonniers de guerre. Et comment réagissent les gouvernements concernés? Les Européens vont céder très rapidement et remettre en liberté les fedayines qu'ils détiennent. Mais les États-Unis, et surtout Israël, n'entendent faire aucune concession. D'ailleurs, Washington menace d'intervenir militairement. Il ne fait nul doute que le FPLP espérait cet accroissement de la tension internationale. Et la Jordanie, réaction? C'est bien sûr l'État qui se trouve dans la situation la plus délicate. Oui, parce que ça se passe sur son sol. Oui, que les Palestiniens font fi de la souveraineté jordanienne. Aussi, les chefs militaires ne se privent pas de critiquer la faiblesse du roi Hussein. Autre conséquence, cette crise ébranle le mouvement palestinien lui-même. Oui, parce que le leadership d'Arafat est menacé. Et bien entendu. Alors, dans un premier temps, le chef de l'OLP demande la libération des otages et décide d'exclure le FPLP de l'organisation. Mais quand il apparaît qu'une intervention militaire jordanienne, américaine et peut-être même israélienne paraît inévitable, le mouvement palestinien resserre les rangs. Oui, alors le FPLP est réintégré. Oui, mais il n'aurait été exclu que 3 ou 4 jours, ce qui encourage Abbas à se montrer de plus en plus provocant. D'abord, après avoir évacué les derniers passagers, il fait sauter les 3 avions. Puis, il annonce la création d'un gouvernement populaire dans le nord de la Jordanie. Et enfin, il prépare une grève à Amman. Cette fois, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les Jordaniens vont être obligés d'agir. Oui, Hussein, qui a nommé un nouveau chef d'état-major et décrété la loi martiale, lance ses troupes contre les fedayines à la mi-septembre. C'est le début d'un véritable bain de sang dans les camps de réfugiés. Une terrible bataille qui va durer 10 jours et provoquer la mort de milliers de Palestiniens. Et en plus, une bataille inégale. Forcément, les Palestiniens ont beau avoir unifié leurs forces sous le commandement de Yasser Arafat, il aurait difficile de résister aux blindés, aux armes lourdes de l'armée jordanienne. Et les pays arabes, ils n'interviennent pas? Avant même l'assaut, Arafat a alerté Nasser en lui disant qu'il avait la preuve que Hussein avait décidé de liquider tous les fedayines. Mais l'Égyptien n'a réagi qu'en paroles. D'ailleurs, que pouvait-il faire? Seuls, les Syriens passent à l'action. Leurs blindés franchissent la frontière jordanienne. À cet instant, la crise atteint son paroxysme et menace d'enflammer toute la région. Ouais. L'internationalisation du conflit. Oui, oui, l'aviation israélienne est prête à intervenir. Washington a promis que tout avion abattu serait immédiatement remplacé. D'autre part, Nixon adresse un avertissement à Moscou. Si les Soviétiques venaient à aider les Syriens ou les Égyptiens, les États-Unis interviendraient immédiatement. Et finalement, enfin au moins sur ce plan, la raison l'emporte. Soumis à la pression soviétique, le président Assad, qui a par ailleurs nulle envie d'affronter l'aviation israélienne, ordonne à ses blindés de rebrousser chemin. Les chars syriens fuient devant les blindés jordaniens qui leur infligent de très lourdes pertes. Enfin, c'est la calme. Oui, sauf dans les camps palestiniens où les massacres continuent. Arafat lui-même est visé. Les militaires jordaniens ont reçu l'ordre de capturer le leader palestinien mort ou vif. La maison dans laquelle il s'est réfugié est bombardée. Mais Arafat s'est déjà enfui. La baraka, toujours. Oui, mais enfin, c'est pas fini. Son second refuge est frappé par un obus. Heureusement pour lui, le projectile explose dans une armoire en fer. Arafat échappe une nouvelle fois à la mort. Ça, c'est incroyable. Ah ben ça, je suis d'accord avec vous, et la suite n'est pas moins étonnante. Les pays arabes se sont enfin décidés à agir. Militairement ? Non, par la voie diplomatique. Après un sommet qui se tient au Caire, trois dirigeants arabes sont chargés de négocier un cessez-le-feu et de sauver la vie du chef de l'OLP. Qui sont-ils, là ? Il y a le président soudanais, le général Nemeri, le premier ministre tunisien et le ministre de la Défense du Koweït. Mais encore faut-il pouvoir joindre Arafat, qui semble avoir complètement disparu. Mais où se trouve-t-il ? Ah, mais il est toujours à Amman, alors même que les fédayines ont fui par centaines vers le Liban ou la Syrie. Le contact est enfin établi par l'intermédiaire des radios. Et dans des conditions rocambolesques, un rendez-vous est enfin organisé. Pourquoi rocambolesque ? Parce que Yasser Arafat est toujours recherché et qu'il a tout à craindre. Ah, ouais. Donc c'est après avoir suivi un véritable jeu de piste que les émissaires arabes le retrouvent dans le secret de l'ambassade égyptienne. Que va-t-il alors se passer ? Nemeri, le chef de cette délégation, presse le Palestinien d'appeler au cessez-le-feu. Arafat hésite. Il n'a aucune confiance dans le roi Hussein qui vient de massacrer les siens. Mais la sagesse l'emporte quand même, pour une raison au moins. Le dirigeant palestinien sait que cette lutte fratricide entre Arabes réjouit au plus haut point l'ennemi de toujours, Israël. Ouais. Donc il va céder. Oui, et simultanément, la radio jordanienne annonce un cessez-le-feu immédiat. Jusqu'au bout, Arafat se méfie. Et s'est déguisé en émir du Golfe grâce au ministre koweïtien qui lui a prêté ses vêtements qu'il s'embarque à l'aéroport d'Amman, à destination du Caire, où il va d'ailleurs rencontrer son adversaire, Hussein de Jordanie. Car ce dernier, dès qu'il apprend qu'Arafat a réussi à gagner l'Égypte, se précipite à son tour au Caire. Et la rencontre va être explosive. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je reviens au livre de Charles Enderlin, Paix ou guerre. D'après le correspondant de France 2 à Jérusalem, on est vraiment passé très près de l'embrasement du Proche-Orient en septembre 1970. Le premier ministre israélien, Golda Meir, se trouve alors aux États-Unis. Je cite Enderlin. Le gouvernement israélien se réunit sous la présidence d'Igal Halon, qui assure l'intérim de Golda Meir. Les ministres veulent plus de détails sur les promesses américaines. L'aviation israélienne est prête à intervenir. D'autres unités américaines basées en Allemagne sont mises en alerte, de même que la 6e flotte. Rabin informe le Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche que selon l'état-major israélien, les frappes aériennes seraient insuffisantes pour bloquer l'avance syrienne. Tzahal prépare une offensive contre les forces syriennes dans la région d'Irbid. Des centaines de blindés israéliens sont concentrés dans le sud du Golan et dans le nord de la Cisjordanie. Sur le terrain, la Légion arabe semble parvenir à stopper l'avance syrienne. La question est de savoir si Damas va envoyer de nouvelles unités. Dans ce cas, décide le gouvernement israélien, ce sera la guerre. Rabin demande de nouveau une promesse formelle de soutien militaire américain en cas d'intervention. Nixon dit oui. Pour la première fois, les États-Unis s'engagent à combattre aux côtés d'Israël. Yasser Arafat est donc arrivé au Caire le premier. Il en profite immédiatement pour plaider sa cause. Et il est approuvé par les trois émissaires arabes qui sont allés le retrouver en Jordanie. Dans une conférence de presse, ils affirment que le roi Hussein a planifié une véritable opération d'extermination des Palestiniens. Une accusation extrêmement grave. Oui, pas tout à fait fausse, même s'il faut tenir compte des réelles provocations auxquelles se sont livrés les dirigeants du FPLP et qui rendaient inévitable le conflit. Quoi qu'il en soit, Hussein arrive à son tour au Caire où va se tenir un sommet rassemblant les dirigeants de plusieurs pays arabes. En plus, Arafat. Naturellement. Ce 27 septembre, la tension est si vive que le roi d'Arabie Saoudite, Faisal, doit s'interposer entre le Jordanien et le Palestinien afin qu'ils lui remettent les pistolets dont ils sont porteurs. Et la discussion qui suit est à l'image de cet incident. Toutefois, après plusieurs heures de négociations, un accord est trouvé. Que prévoit cet accord, D'abord, le respect de la souveraineté jordanienne. Mais il confère aussi aux fédayines la possibilité de se regrouper dans des zones d'où ils pourront perpétrer des actions armées contre Israël. Ça signifie que les combattants palestiniens, mais aussi les troupes royales jordaniennes, doivent évacuer toutes les principales villes du pays. Une commission arabe est aussi chargée de veiller à l'application de cet accord. Alors, personne ne semble avoir gagné. Sans doute, mais le poison de la haine a été semé. Il sera difficile aux Palestiniens d'oublier leurs milliers de morts. D'où la création, un peu plus tard, de l'organisation Septembre Noir, qui deviendra le bras armé de la vengeance palestinienne. Mais ici, intervient un événement inattendu qui confère à cette réunion arabe un aspect particulièrement dramatique. Nasser a pesé de tout son poids pour obtenir la signature de cet accord. Ouais, d'autant qu'il avait donné l'impression d'avoir un peu laissé tomber les Palestiniens. Oui, oui. Alors après avoir accompagné ses hôtes à l'aéroport, il se fait conduire chez lui, il est épuisé. Et à peine allongé, il est victime d'une attaque cardiaque et décède. L'événement est considérable. C'est le promoteur du panarabisme qui disparaît. Un héros pour la plupart des populations arabes, à commencer par les Palestiniens. Et quelles conséquences, là, pour notre histoire? Les Palestiniens les plus radicaux essaient d'en profiter pour remettre en cause le fragile accord signé au Caire. Pour eux, Nasser est la victime indirecte du conflit qui vient d'opposer les fédayines à l'armée royale jordanienne. Ouais. Et à Amman, justement? On réagit à peu près de la même façon. Les officiers pressent le roi Hussein d'en finir une bonne fois pour toutes avec les fédayines qui viennent de perdre leur principal protecteur. Et Hussein n'est pas insensible à leur demande puisqu'il nomme à la tête du gouvernement un homme, Wasfi Attal, qui a été le principal artisan des massacres de Septembre Noir en tant que ministre de la Défense. Ouais, ça n'augure rien de bon pour les Palestiniens. Ah, bien sûr. Entre parenthèses, ce Jordanien avait été autrefois accusé par Nasser d'être un agent de la CIA. Et Hussein avait trouvé plus prudent de le garder à Londres. Ouais, jusqu'à cette soudaine réapparition. Et pourtant, en octobre, Hussein et Arafat signent un nouvel accord. Le leader palestinien est reconnu comme représentant exclusif de son peuple et le roi décrète une amnistie générale. Toutefois, Hussein demande à Arafat de regrouper ses fédayines dans le nord du pays, près de la frontière syrienne. Ce que Arafat accepte ? Oui, mais c'est un piège. Car en obligeant les fédayines à abandonner les villes et donc les camps de réfugiés, les Jordaniens espèrent bien en venir à bout plus facilement. Ouais. Parce que, ils n'ont toujours pas renoncé à se débarrasser des Palestiniens. Bah non, le premier ministre, Wasfi Attal, est bien décidé à percer l'abcès et d'en finir avec la question palestinienne dans son pays. Malgré le fait quand même qu'une grande partie de la population soit d'origine palestinienne. C'est la vérité. Certes, il y a beaucoup de Palestiniens en Jordanie, mais Arafat l'a constaté à ses dépens. Ces hommes, qui occupent souvent de hautes fonctions au sein du royaume hachémite, n'ont guère fait preuve de solidarité lors des événements tragiques de septembre. Bien au contraire, certains ont approuvé le roi. Par conséquent, Hussein peut espérer chasser les fédayines sans que cela provoque une rébellion palestinienne ? Tout à fait, et c'est ce qui va se passer. D'autant que le pouvoir jordanien va recevoir une puissante aide de Washington. Ainsi, tout son matériel militaire est entièrement renouvelé par les États-Unis. Si ce Wasfi Attal est vraiment un agent américain, ça s'explique. En effet, oui. Enfin, dès le mois de novembre, les premiers incidents éclatent lorsque l'armée jordanienne commence à désarmer les fédayines. Et ça continue en décembre 70 et janvier 71. Peu à peu, l'armée contrôle les camps de réfugiés qui sont le vivier des combattants palestiniens. En même temps, on note des dissensions entre les divers mouvements de la résistance. Toujours la bagarre entre les durs et le Fatah d'Arafat. Oui, oui, Arafat est accusé de mollesse vis-à-vis du roi Hussein. Le leader de l'OLP riposte en faisant porter la responsabilité des événements dramatiques de Septembre Noir sur Habash et les siens. Une accusation d'aventurisme. C'est ça. Ouais. Ouais. Bref, d'un côté, il y a les modérés menés par Arafat qui, selon ses adversaires, se refusent à mener une guerre révolutionnaire contre le régime d'Hussein. Et de l'autre, il y a les extrémistes de gauche du FPLP. Seul point d'accord entre ces deux factions, ils refusent l'idée de la création d'un mini-État palestinien établi en Cisjordanie et à Gaza. Un État, entre parenthèses, dont les Palestiniens se satisferaient bien aujourd'hui. Ah, oui. Alors, et pendant qu'ils se disputent, l'armée jordanienne continue à marquer des points. Oui, chassés des camps, les fédayines démoralisés refluent vers les forêts du nord, mais leur nombre fond rapidement. Pourquoi ? Parce que beaucoup choisissent plutôt de passer en Syrie et surtout au Liban, où ils vont établir de nouvelles bases. Ouais, au Liban, et où leur présence provoquera à partir de 1975 une autre guerre. Oui, ça, enfin, nous en reparlerons peut-être un jour. Donc ces fédayines, traqués par l'armée jordanienne, sont si désespérés que certains d'entre eux préfèrent gagner la Cisjordanie, où ils sont immédiatement neutralisés par Tsahal. La fin des combattants des forêts a lieu en juillet 1971. L'ultime réduit des fédayines menée par celui qu'on appelle le Che Guevara palestinien, Abu Ali Ayad, est pris. Et ce chef de guerre aurait été tué par Wasfi Attal lui-même. C'est vrai ça? Pour ça, j'en sais rien. Enfin, le premier ministre du roi Hussein sera la première victime de l'organisation Septembre Noir. En novembre de la même année, il sera assassiné au Caire. Quelques semaines plus tôt, il avait triomphalement déclaré « La Palestine est finie. Une partie se trouve en Israël, l'autre en Jordanie, reste le peuple palestinien. » Et ça correspond en tout point au projet de son maître, Hussein. C'est-à-dire ? Après cette guerre, le roi de Jordanie considère qu'il est le seul et authentique représentant des Palestiniens. Les organisations de guérilla ne représentant qu'elles-mêmes. Oui, parce que faut se rappeler qu'il demeure en principe, enfin, malgré l'occupation israélienne, le souverain de la Cisjordanie. Oui, oui, il annonce la transformation du royaume hachémite en royaume arabe uni. Un État fédéral qui associe à la Jordanie elle-même une région de Palestine dont la capitale est Jérusalem. Ouais, donc l'union de la Cisjordanie et de la Transjordanie. C'est ça, oui. Mais enfin, c'est quand même faire fi de l'occupation israélienne. Bien entendu, c'est complètement utopique. Et tout de suite, Israël d'abord, l'OLP ensuite, rejette ce projet de royaume arabe uni. Il faut aussi souligner que dans cette dramatique affaire, les pays arabes n'ont guère soutenu les Palestiniens. Ouais, pourtant, on aurait dit que le président syrien, lui, a essayé d'intervenir militairement. Oui, mais enfin, toutefois, ça n'a guère duré. Non, non, tous ces États se déclaraient en principe solidaires, mais... La vérité, c'est qu'ils préféraient voir les fédayines ailleurs que chez eux. La meilleure preuve, c'est que Hafez el-Assad, toujours lui, fermera sa frontière quand les combattants palestiniens essaieront de se réfugier en Syrie. Ce n'est pas par hasard si, en dehors des Jordaniens et des Israéliens, des représentants des pays arabes dits modérés sont aussi des cibles pour Septembre Noir. Je voudrais enfin évoquer un dernier point assez étonnant. Ouais, quoi, non ? En février 1970, avant que Hussein ne renforce son armée, les organisations palestiniennes étaient peut-être en mesure de renverser le régime jordanien. Et si Hussein a sauvé son trône, c'est grâce au soutien américain et sans doute aussi à l'aide indirecte de l'État hébreu qui a fait discrètement savoir qu'une déposition d'Hussein serait suivie d'une intervention militaire de Tsahal. C'était vraisemblable, ça. Pourquoi pas? Mais je sais qu'à la fois en Israël, mais aussi aux États-Unis, des membres des services secrets appelaient au contraire de leur vœu le renversement de Hussein. Ah bon, mais pour quelle raison? Bah, réfléchissez. Hussein déposé, c'était les Palestiniens qui s'installaient au pouvoir à Amman. La Jordanie serait ipso facto devenue la Palestine. Et dès lors, il n'y avait plus que deux solutions. Ou Arafat signait la paix avec Israël, ou s'il refusait, Israël lui déclarait la guerre et détruisait en un seul coup les organisations des fédayines. Mmh. Et alors, d'après vous, cette hypothèse a été sérieusement envisagée? Golda Meir y était favorable, mais Washington en a décidé autrement. Cette hypothèse audacieuse est confirmée par un spécialiste israélien, Uri Dan, dans son livre « Mossad, 50 ans de guerre secrète ». C'eût été pour Israël une occasion en or de résoudre le problème palestinien. Après tout, le royaume de Jordanie couvre les deux tiers du territoire, de part et d'autre du Jourdain, attribué par la déclaration Balfour de 1917 à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. En 1922, les Anglais décident de faire don de la rive orientale du Jourdain à l'émir Abdallah, qui fonde le royaume hachémite de Transjordanie. Et voilà qu'en 1970, le petit-fils de l'émir bédouin est menacé d'être renversé par les Palestiniens, qui constituent la majorité de la population de son royaume, environ 70%. Ils ont failli y parvenir. S'ils avaient réussi, la Jordanie serait devenue la Palestine. La chute de Hussein aurait frayé la voie à la solution du conflit moyen-oriental. Mais c'est un Israélien qui parle. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements sur la bibliographie et la discographie de cette émission. Mes chers employés, l'usine fermera ses portes comme chaque année du 1er au 31 août. Vous recevrez à cette occasion une magnifique paire de tongs, disponible uniquement en bleu et en taille 42. Et si vous optiez pour la modernité? Simple, facile, le chèque vacances, c'est l'accès à plus de 135 000 partenaires vacances et loisirs. Renseignez-vous au 0825 844 344, 15 centimes d'euros TTC la minute, ou sur www.ancv.com. Chaque vacances, découvrez de nouveaux horizons. Votre traitement touche à sa fin ? Rapportez vos médicaments non utilisés chez votre pharmacien. Ce sera un geste de plus pour la protection des enfants. Parce que les petits et leur manie de tout mettre à la bouche, il faut vraiment avoir l'œil. Savez-vous que l'intoxication médicamenteuse est la première cause d'accident domestique chez les enfants de moins de 4 ans ? Avec Cyclamed, rien ne se perd et c'est la sécurité de nos enfants qui gagne. Cyclamed, le réflexe. Et vous, avez-vous changé vos habitudes ? Vous écoutez France Inter, il est 14h, on retrouve Michel Khalifa, bonjour. Bonjour, l'Union européenne appelle à de nouvelles élections en Ukraine pour les Pays-Bas qui président actuellement l'Union. Il s'agit de la solution idéale. À Kiev, le président du Parlement ukrainien a lui aussi appelé à un nouveau scrutin. Il a laissé entendre aujourd'hui que les députés pourraient déclarer le second tour de la présidentielle invalide. L'Assemblée d'Ukraine est réunie aujourd'hui pour une séance extraordinaire. Elle doit tenter de trouver une issue à la crise que traverse le pays depuis la victoire de Viktor Yanukovych, le candidat du pouvoir. Depuis ce matin,